Alza los ojos y mírame a mí. De retour après la pause commerciale, bonjour tout le monde, c'est toujours André Péloquin en onde avec Plectrum, la grande traversée du jeudi. On va maintenant commencer notre deuxième heure, l'heure anglophone. On va se shaker le popotin avec un petit peu de punk rock pour commencer. On va avoir entre autres une nouveauté des Me First and the Gimme Gimmes qui viennent de lancer leur album Love Their Country. C'est un album de reprise de succès country et on va entendre un succès souvenir de Dolly Parton, pourquoi pas. Un peu avant, on va avoir les St. Catharines avec un extrait de leur tout nouvel album. Je parle bien sûr de l'excellentissime Dancing for Decadence. On va avoir la pièce Ring of Fire equals 4 points. Mais on va débuter avec un succès souvenir des Vandals tiré de l'album du même nom. C'est la pièce Live Fast Diarrhea. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, mon courriel, c'est toujours le plectrumcism@hotmail.com. Le site web de la radio, c'est le cism893.ca. En avant la musique avec les Vandals. À tout de suite! ça débouche les oreilles. Bonjour tout le monde, c'est toujours André Péloquin. Plectrum, la grande traversée du jeudi, c'est ce qui se passe dans tes oreilles en ce moment précis. On vient de terminer avec Me First and the Gimme Gimmes. C'était la pièce Jolene, un succès souvenir, bien sûr, de Dolly Parton, adapté à la sauce punk. C'est tiré de leur tout nouvel album de reprise western, Me First and the Gimme Gimmes Love Their Country. Un peu avant, on avait les Montréalais de St. Catharines. C'était la pièce Ring of Fire equals 4 points. Et on a débuté avec les Vandals, un extrait de l'album du même nom, Live Fast Diarrhea. On va poursuivre dès maintenant dans un tout autre registre. On va y aller avec des pièces rock plus pop. On va avoir entre autres déjà une valeur sûre, Peter, Bjorn and John avec leur pièce Young Folks. On va aussi avoir du Ara and the Ferns, du Bicycles. Et on va débuter dès maintenant avec les Blood Brothers, qui sont plutôt hard d'habitude, mais qui nous invitent à un tout autre registre avec la pièce Laser Life. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, passez par mon site web, c'est le plectrumcism.blogspot.com. Vous trouverez là un résumé des pièces jouées, des liens vers d'autres émissions de CISM qui sont incroyables et plein d'autres choses pas mal amusantes, je dirais. Et bien sûr, je suis biaisé vu que c'est moi qui pianote sur le clavier pour l'égayer de jour en jour. Si vous avez d'autres questions après avoir consulté ce site, passez par mon courriel, c'est le plectrumcism@hotmail.com. Et là, on y va dès maintenant avec une excellente pièce parce qu'il y a le mot laser dans le titre de la pièce. Et tout le monde sait que les pièces avec le mot laser dedans, ils sont bonnes! Et puis, on est maintenant avec les Blood Brothers sur la marge! Laser! J'aime la tête! Yeah! don't try to warn me that you're an island and there's no room for fighters. And a woman who can't learn how to please a man. We can stick around and see this night. Je m'appelle Priscilla et je suis l'antéchrist. C'est Plectrum, la grande traversée du jeudi qui se poursuit. On vient de terminer avec Young Folks de Peter Bjorn et John. Un peu avant, on avait Ara and the Ferns avec la pièce Science Books et ça suivait la pièce Gotta Get Out de la formation d'Ontario The Bicycles. Et on a débuté avec les Blood Brothers. C'était la pièce Laser Life. On va poursuivre dès maintenant avec des trucs un petit peu plus oscillants entre le rap et l'électro. On va avoir entre autres du Chaos. On va aussi avoir du DJ Lobster Dust qui va faire de la Bastard Pop avec les Beastie Boys. On va aussi avoir une nouvelle pièce de MIA qui s'appelle XR2. Mais avant, on va débuter avec le Don Proofin remix du hit de Lady Sovereign, Love Me or Hate Me. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, je vous invite à me rejoindre par courriel. C'est au plectrum cism@hotmail.com. Que ça va se produire. Si vous avez un iPod ou un iTunes, ou les deux même, allez sur le podmodernisme, podmodernisme.blogspot.com, et vous aurez droit à une surprise. On débute dès maintenant avec Lady S.O.V. sur la marge. À tout de suite. Yeah, it's officially the biggest midget in the game. The boys say fine, stay we as alpine. 2020 find a bed 12:09. Took a pill, good time all the time. This is how we do next side two. The boys say fine, stay we as alpine. 2020 find a bed 12:09. Took a pill, good time all the time. Where were you in 92? Where were you in 92? Where were you in 92? Where were you in 92? Where were you in 92? Where were you in 92? 92, 92, 92, 92. We're never paid. Roll up jeans, these Lucas aid. Such your jeans, shades and chain. We ball in there like we're late. DJs, MCs, private raids. Keep it secret, light it, mate. Light it, mate. Light it, mate. Light it, mate. Light it, mate. Go. Okay, it's about to go down. Please step up. 5, 4, 3, 2, 1. Here we go. It's the return, burn like a supernova. Spin the plate, the great debate's over. Don't rush, take it easy, slow down. The earth is a spaceship spinning round and round. We're in it together, we can make it better. Don't sweat her, things swing with no vendetta. I rhyme in a graph style, carve every letter to move every b-boy king like Coretta Scott. Keep it hot, block must rock. The plot that we try to recognize was not. The L to the O, V, M, O, V, E, K, dub. Dropping the dub is new TV. The E, M, C, double E, no doubt. Running around, wigging out, turning the party out. We all fall from grace and make mistakes. Erase and face to face with the antidote base. And every single word in the verb wild style. This is not a mission, it's a riddle lifestyle. I'm still in the struggle and I see the light dial. Turn it to 10, ascend with Zen the profile. Can you feel it? To the beat, y'all. Let the music play for the people. And if you're down to rock, whether you're ready or not, yo, guess who's back with the sequel? Oh yeah, just do it. Oh yeah, just do it. Now, in the beginning, the light that shines so bright within the city of my mindscape night. Listening, glistening, the moon reflecting the sun, making me one with the music. Oh, get low, get bold, get hold. It's liquid black gold. Yes, I'm in the house, but I never ever sold. Rhyme black vinyl, 20 years old, with the mic in my hand, ringing alarm, singing the psalms, bringing the calm to drama so hard. Too much info, been so instrumental, potential, exponential. My DJ's cuts are presidential. Yo, jazz. Let the rhythm hit him. I woke up to make the main cut, to face the pain. What? The space contain love. It's a heat seeker. Back in the speaker, the beat, the sleep preacher. It was written, the sequel. Can you feel it? To the beat, y'all. Let the music play for the people. And if you're down to rock, whether you're ready or not, yo, guess who's back with the sequel? Yeah, I just do it. Oh, yeah, just do it. Now. The world is ours, but we're casting stones from afar. We're like people driving in our cars on Lost Highway. My bonjour tout le monde, vous écoutez toujours Plectrum, la grande traversée du jeudi en ma compagnie André Péloquin. On vient de terminer avec du Chaos, c'était sa pièce Electric Heat. Un peu avant, c'était Sure Shot Boxer Pistol de DJ Lobster Dust, qui faisait bien sûr de la Bastard Pop avec une pièce des Beastie Boys, entre autres. Un peu avant, XR2, toute nouvelle pièce de MIA, et on a débuté avec Lady Sovereign, c'était la pièce Love Me or Hate Me. Le Don Profin Remix. Attention à vous, Lady Sovereign s'en vient en ville très bientôt. Surveillez les hebdos qui sortaient aujourd'hui, finalement, ce jeudi. Le ici et le voir, surtout le ici. on va poursuivre dès maintenant. On va terminer même avec un petit peu de pop folk. On va avoir entre autres The Good, The Band and The Queen. Ça, c'est une espèce de méga groupe britannique, entre autres des membres de The Clash. Il y a aussi Damon Albarn de Blur, je crois. Et c'est le premier single de ce regroupement. C'est la pièce Herculean. Ensuite, on va avoir The Stills avec un duo avec des membres de la formation montréalaise Land of Talk. C'est la pièce Monsoon. Ensuite, on va avoir du Roger Allen Wade avec la pièce If You're Gonna Be Dumb. Et si on a le temps, on va terminer avec une reprise de Nico, et The Velvet Underground These Days par Barbara Manning. Je m'appelle André Péloquin, c'est tout pour moi. Je vous invite à rester à l'écoute du 89.3 FM parce qu'il y a l'équipe du palmarès du jeudi qui s'en vient. Et comme je vous le dis à chaque semaine, 60 minutes de la meilleure musique de CISM condensée pour vous, juste pour vous. Alors on se reprend la semaine prochaine si Dieu le veut. J'espère que ma voix enrouée ira un peu mieux d'ici là. Faites attention quand vous traversez la rue. Ciao! If you're gonna be dumb, you gotta be tough. When you get knocked down, you gotta get back up. I ain't the sharpest knife in the drawer, but I know enough to know. If you're gonna be dumb, you gotta be tough. I lit my brain with rot gut whiskey till my pain was chicken fried. And I had dudes with badges frisk me, teach me how to swallow pride. I took advice no fool would take. I got some habits I can't shake. I ain't the sharpest knife in the drawer, but I know enough to know. If you're gonna be dumb, you gotta be tough. If you're gonna be dumb, you gotta be tough. When you get knocked down, you gotta get back up. That's the way it is in life and love. If you're gonna be dumb, you gotta be tough. Been up and down and down and out. I've been left and right and wrong. Well, I walk the walk and I run my mouth. Been on that short end for too long. But if they gave medals for honky-tonk wars, hell, I'd keep mine in my chest of drawers. With my IRS bills and divorce papers and all that stuff. Hell, if you're gonna be dumb, you gotta be tough. If you're gonna be dumb, you gotta be tough. When you get knocked down, you gotta get back up. I ain't the sharpest knife in the drawer, but I know enough to know. If you're gonna be dumb, you gotta be tough. If you're gonna be dumb, you gotta be tough. I've stopped my turns to ten. Please don't confront me with my failures. I had not forgotten them. Hiding underneath the sea, I was looking down for me. To be a better man, to be a better man, I was hiding underneath the sea. Just me.